Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi soir et on va passer une bonne demi-heure ensemble. Le docteur Disco est là pour vous régaler bien sûr. Alors avec la pépite du jour, j'espère ne pas avoir tapé trop loin. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une découverte pour moi. David Joseph et son tube You Can Hide Your Love, sorti en 1983. Ça va directement taper dans le mille, j'en suis sûr. Sorti sur le seul album du chanteur intitulé The Joy of Life, le titre est vraiment entraînant. Lors de ma préparation de l'émission, quand je suis tombé dessus, ça a fait bingo tout de suite. Je vais vous laisser juger par vous-même. Allez, on y va. La double dose de ce samedi, on va la consacrer à un groupe mythique, j'ai nommé Chic. Tous les amateurs de funk et de disco le connaissent, il n'y a aucun doute là-dessus. Le groupe, il a été fondé en 1976 par le guitariste Nile Rodgers. Ce dernier est à l'origine de beaucoup de hits du groupe, mais aussi d'autres artistes comme Diana Ross avec Upside Down, Sister Sledge avec We Are Family et Let's Dance de David Bowie. Leur premier album sort en 1977, mais c'est l'année suivante qui va véritablement faire décoller le groupe avec le tube mondial, Le Freak. Ensuite, d'autres vont suivre, comme Good Time, I Want Your Love. Nile Rodgers collabore avec les Daft Punk en 2013 sur le tube Get Lucky. Alors, une petite anecdote que vous connaissez peut-être sur Le Freak, ou peut-être pas. Alors, la légende veut que Nile Rodgers et Bernard Edwards, le bassiste du groupe, aient composé cette chanson le soir du réveillon 1977. C'était pas hier, hein. Ils voulaient se rendre à la célèbre boîte Studio 54 de New York, mais ils se font refouler à l'entrée. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Ni une, ni deux, ils chantent « Ah, fuck off, fuck, Studio 54, fort, 54. Avant de modifier ses paroles pour devenir un freak out. Le freak, c'est chic. Le résultat donne le single le plus vendu de tous les temps de l'histoire du label Atlantique. Chez nous, chez là, profitez aussi des compositions du groupe sur Space. Bernard Edwards meurt suite à une pneumonie foudroyante le 18 avril 1996, le lendemain d'un concert au Budokan de Tokyo. Alors, ironie du sort, il avoue se sentir mal et déclare cette soirée-là au micro « J'ai la grippe de Tokyo, I've got the Tokyo flu ». Le concert a été immortalisé sur DVD et CD. Le groupe aura vendu plus de 40 millions d'albums. Oui, 40 millions. Alors on va écouter « Good Time » et « Le Freak ». Let's go! Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Pour le maxi du jour, c'est Junior le nominé. Son titre Mama Used to Say, sorti en 1981, connaît le succès l'année suivante. Il va arriver jusqu'à la seconde place du top anglais. Il obtient aussi la distinction très honorable de meilleur nouveau venu par le magazine américain Billboard. Le morceau est plein de rythme et donne la pêche. C'est maintenant et un conseil, écoutez bien votre mère. Don't you rush to get old. And mama used to say, Fadjet, le festival de toutes les musiques. Ça fait longtemps que vous l'attendez et le moment est désormais venu. Aujourd'hui, le Cocorico est dédié à un tube des plus emblématiques du disco, j'ai nommé Born to be Alive. Chanson composée en 1973 et sortie en 1978, elle connaît d'abord le succès en Italie, puis dans le monde entier. Patrick Hernandez, son auteur, compositeur, est connu uniquement pour ce titre. Ce sera d'ailleurs son seul grand succès. Ce dernier lui rapporterait, je parle conditionnel, entre 1000 et 1500 euros par jour de droits d'auteur. Imaginez la somme depuis le temps. La première version de cette chanson date de 1975. Elle devait paraître comme extrait d'un album d'un obscur groupe, Paris Palace Hotel, dont Patrick faisait partie bien sûr, mais l'album ne va jamais paraître. Patrick Hernandez arrête même la musique pendant quelques temps. En 1978, le miracle arrive. Plus d'un million de disques vendus de ce tube. Il s'est même payé le luxe de refuser Madonna, qui n'était pas encore célèbre à l'époque, comme danseuse. Allez, assez de blabla, place au résultat, place à la chanson Born to be Alive. Ah, la pépite, c'est un des moments que je préfère. Alors samedi, on va se laisser porter par le titre de Sade, Un Gun to Your Love. Issu de son premier album, Diamond Life, le titre sort en 1984. Comme souvent dans ses chansons, il est question d'amour. Ah, il faut bien avouer que sa voix s'y prête parfaitement. Démonstration maintenant. On va se quitter sur ces notes. Comme toujours, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. On se dit à samedi prochain et portez-vous bien. Bye bye.